Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bienvenue au bulletin de nouvelles du 4 octobre 1957. L'écrivain et scientifique Isaac Asimov prévoit l'ouverture d'une brasserie coopérative de travail dans le quartier Saint-Roch à Québec autour de l'année 1997. À l'étranger maintenant, c'est le début de la conquête spatiale avec le lancement de Spoutnik 1. Un reportage de Michel Marcoux en direct de Baïkonour. Le lancement de Spoutnik 1. Merci Michel. Nous vous avons présenté le Radio-Journal. Bonsoir. La Barberie à 15 ans, maintenant. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita en ce 15 décembre 2012. Une froide soirée avec de la belle neige. Quand même, on s'installe confortablement pour un 2 heures de bon progressif. Et on débute ce soir avec un groupe des années 70, un groupe qui a débuté sa carrière en 71. C'est un groupe des Pays-Bas, Focus. Et un nouvel album intitulé Focus X, le 10e album donc en studio de cette formation. Et il y a le flûtiste et claviériste Thys Van Leer qui est de retour depuis 2002 avec... Il y avait eu Focus 8 qui était un beau retour parce qu'il y avait eu des albums là, vraiment Focus était devenu à peine l'ombre de lui-même après les années 70. Mais donc un retour cette année après 6 ans avec le Focus X. C'est un album où on voit qu'il y a une bonne complicité entre les musiciens. Évidemment, il n'y a pas Jan Ackerman qui était le guitariste d'origine de ce groupe. Par contre, il y a le batteur Pierre Van Der Linden qui est là et donc Thys Van Leer. La pièce que j'ai choisie, c'est, je fais un peu une transition avec un peu les thèmes qu'on entendait dans l'émission précédente. Vous allez voir qu'il y a un gros clin d'œil à leur fameuse pièce Hocus Pocus dans ça. C'est un peu le même genre de pièce, même genre de rythme, et on présente Focus au début, puis ça, en fait, c'est intéressant, c'est drôle, et ça fait un bon début pour l'émission. Donc, c'est Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet au choix musical et en animation, et on y va tout de suite avec Focus. Après ça, on va poursuivre avec Rhys March, qui est un artiste qu'on a vu à la convention Terra Incognita il y a 2 ou 3 ans. Et il s'est exilé maintenant en Suède et produit des albums là-bas, donc une nouveauté, son nouvel album. Mais d'abord, Focus. Focus! Focus! F-O-C-U-S! kiss a hand and a smile, but the further we go, this landscape is so beguiling to her blind. apartment. Sur les ondes de CKRL, à l'émission Terra Incognita, c'était le groupe italien Baroque Project et leur troisième disque, leur plus récent, Coffee in New Cologne. C'est le titre de l'album, mais c'était aussi la pièce donc éponyme de cet album. C'est donc leur troisième opus. Ils ont fait un premier en 2007. Misterio Sevoci. Ensuite, ils ont fait Rebut en 2009. Et, c'est un groupe que je connais à peu près pas. C'est des membres de Baroque Orchestra qui, franchement, font une bonne musique. Jean-François, vous en avez fait jouer une pièce le mois dernier. Alors, on est toujours passionné de vous faire découvrir plein de nouveautés, de nouveaux groupes. Parlant de nouveautés, on avait juste avant Rhys March and the Autumn Ghosts. C'était le plus récent album, donc, de Blue Hour. Et on a entendu... quelle pièce qu'on a entendu sur cet album-là? C'était la pièce Wooden Heart. Et le bloc musical et l'émission avaient débuté avec le groupe Focus, tiré de leur plus récent, Focus X, Focus 10, donc. Et c'était la pièce Father Bacchus. Et comme vous avez pu le constater, il y a des parentés avec Hocus Pocus dans ça. Et c'est un album qui est très jazzé en général. Un bon, je dirais un bon disque. Presque aussi bon, je pense, que le 2008, le Focus 8, je veux dire, qui est paru en 2002. Et pas mal intéressant. En fait, j'ai presque pas écouté, mais il y a encore de bonnes pièces sur ça. On va poursuivre avec la nouveauté de Glasshammer. Perilous, c'est aussi un excellent disque avec il y a le chanteur John Davison qui est nouveau chanteur depuis trois albums maintenant de Glasshammer, lui qui fait aussi des tournées avec Yes, et on écoutera sur ça la pièce Our Foe Revealed. Juste avant, je voulais vous parler aussi de la convention Terra Incognita. C'est notre événement de rock progressif à Québec en 2013 et ça va être le 18 et 19 mai, donc au Centre d'art La Chapelle à Vanier. Et les billets sont déjà en vente. Le 18, et donc, il y a le groupe Fido des États-Unis. Ça, c'est à ne pas manquer. C'est peut-être un des derniers concerts qui sera présenté par ce groupe. Il y aura aussi de l'Allemagne RPVL. Il y a le lendemain Il Castello di Atlante de l'Italie et de Flower Kings de la Suède. Il y a deux autres groupes à confirmer. Et ça promet, encore une fois, cette année pour la 9e édition. Et c'est notre 9e année avec vous, Terra Incognita. Donc, on s'en va avec, Glasshammer. Et au retour, ce sera Ost Sonaten, le plus récent album aussi de Ost Sonaten de l'Italie. On y va tout de suite, donc, avec Glasshammer. We'll be right back.

hope the breeze that says come down, so sad as sad could be. And when you speak, I'm in a break, the silence of the sea. The blood is unknown. Right up above the mountain stand, no bigger than the moon. Day after day, day after day, we're stuck, no breath, no motion. As idle as a painted sheet upon a painted ocean. This should be the slimy things that crawl with legs upon the slimy sea. About in real and route, the dead fires dance at night. The water is like a witch's oils, but green and blue and white. And some in dreams I should wear of the spirits that plague us all. I fathom deep, he had followed us from the land of mist and snow. And every tongue throughout a drought was withered at the root. We could not speak, no more than if we had been choked with soot. Oh, what a day, what evil looks at I from old and young. Instead of the cross, about my neck was so. Le groupe italien Ost Sonaten, c'est l'œuvre de Fabio Zuffanti, qui joue sur ça de la basse, des claviers, des cymbales, tambourines, et qui est accompagné de chanteurs sur les différentes parties. C'est tiré d'un album intitulé The Rime of the Ancient Mariner, Chapter 1. C'est son 7e album et c'est un thème qui avait été exploré dans le premier disque et là, il s'apprête à nous faire une série. Alors, il y avait sur ça le chanteur Davide Merletto qui était invité. Alors, c'était tout simplement partie 2 de The Rime of the Ancient Mariner de Ost Sonaten. Alors, on va poursuivre avec un groupe de la région intitulé Edo. Et ils ont fait paraître un premier mini-album intitulé 1-2-5-125 et il y a trois pièces sur ça. Et c'est un groupe qui va faire le lancement de son album en début janvier. Ça sera ici au Bal du Lézard, je dis ici parce qu'on est à Limoilou, à Québec, et au Bal du Lézard, donc le 12 janvier 2013 pour le groupe EDO. Et on va entendre une pièce sur ça intitulée « Trois skis en hiver ». Bon, on est vraiment là, dans la saison pour ça. On va aller faire du trois skis, on va descendre la pente, dévaler la pente en trois skis avec ce groupe-là. Puis je trouve que leur son est vraiment intéressant. C'est un trio, donc basse, clavier et percussion. Et les claviers, il y a du piano Fender Rhodes, puis ça sonne un peu comme, je disais ça à Bruno tantôt, un peu comme le groupe Pollen des années 70. C'est instrumental. Alors, c'est pas mal intéressant. On écoute donc un premier extrait de ça, de EDO, tiré de 125, leur premier mini-CD, si on veut. Et c'est des musiciens qui ont été dans un groupe intitulé Lettre Pontive, qui avait fait apparaître un album en 2007, intitulé Entangled. Et on en avait déjà fait jouer à l'époque. Puis là, ben, ils ont évolué vers une nouvelle formation en trio. Donc, on surveille ça. Le 12 janvier prochain, au Bal du Lézard, on va en écouter un extrait. Et ça sera suivi du groupe américain Cyrus B, tiré de Whimsical Weather, leur merveilleux plus récent album qu'on écoute à profusion depuis quelques mois ici à Terra Incognita. Ce sera la pièce qui conclut ce disque, Across the Cobblestones. C'est une longue et très bonne pièce. Donc, Edo et Cyrus B sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita. We'll be right back. winding through a garden fair. Here a girl learned to steal repercussion, shattered silent air. Thank you.

Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulézard.com. Cette soirée vous est présentée par la Barberie. Bienvenue au bulletin nouvelle du 4 octobre 1957. L'écrivain et scientifique Isaac Asimov prévoit l'ouverture d'une brasserie coopérative de travail dans le quartier Saint-Roch à Québec autour de l'année 1997. À l'étranger maintenant, c'est le début de la conquête spatiale avec le lancement de Spoutnik 1. Un reportage de Michel Marcoux en direct de Baïkonour. Le lancement de Spoutnik... Merci Michel. Nous vous avons présenté le Radio-Journal. Bonsoir. La Barberie à 15 ans, maintenant. Alors, de retour avec Bruno et Marc, et c'est l'émission Terra Incognita, consacrée au rock progressif d'aujourd'hui. Et il y a encore beaucoup de bonne musique qui se fait. C'est intéressant de suivre tout ce courant musical, toute cette passion. Et donc, on a entendu juste avant un groupe américain, Sirius B, tiré de leur plus récent album Whimsical Weather. Et c'était la pièce Across the Cobblestones. On avait entendu juste avant Edo de Québec avec leur premier démo. Et la pièce Trois skis en hiver, un groupe qui fait beaucoup dans le style slush hein, des années 70 pour sa sonorité. Alors, ils vont faire un lancement au Bal du Lézard le 12 janvier 2013. Manquez pas ça. Alors, on poursuit en musique avec un groupe canadien légendaire, Rush, qui vient cette semaine, enfin, après toute sa carrière, d'être nommé au Rock'n'Roll Hall of Fame. Donc, Rush, qui le mérite avec une carrière de... incroyable. Leur plus récent album, Clockwork Angels, est vraiment intéressant. C'est vraiment le Rush d'aujourd'hui, là. Il y a des très bonnes pièces, dont celle qu'on va entendre tout de suite, intitulée Headlong Flight. Et ensuite, ce sera poursuivi de Marillion et leur plus récent album, Sounds That Can Be Made. Alors, c'est un album qui est paru un peu plus tôt cet automne. J'en avais fait jouer une pièce, Jean-François aussi. Et il y a une très bonne pièce sur ça, puis on n'a jamais l'occasion de la mettre, mais là, vraiment, je me dis, c'est la pièce Gaza. Donc, sur la bande de Gaza, on sait comment ça a brassé et ça brasse encore dans ce coin-là, au niveau politique. C'est une très bonne pièce, une longue pièce, donc, de Marillion. On débute avec Rush. Et ensuite, Marillion, sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita. Into the city where of shame. But now I'm older, I've come to understand. Once we had houses, once we had land, they rained down bullets on us as our homes collapsed. We lay beneath the rubble, terrified. Suddenly had nothing, and nothing's changed. We live 8 people in this overcrowded heat. Factory farmed animals living in our own sweat. Living like this is all my baby brother revenue. The world does nothing. we've been closed. We're isolated. We're denied medical supplies. Fuel and work are scarce. They build houses on our farms. The old men weep. The young men take our bumps. We're packed like chickens in this town of block cement. I get a headache from the diesel. When it rains, the sewers too. I had no idea what martyrdom meant until my older bosom, I'm sorry, I can't continue. Thank you. grieving mothers on both sides of the way, and everyone deserves a chance to feel the future. Just wait, be bright. But anyway you look at it, whichever point of view, for us to have to live like this, it just ain't right. It just ain't right. It just ain't right. It's like a nightmare, rose up from Sur les ondes de CKRL avec Bruno et Marc, c'était le groupe Meridian, tiré de leur plus récent album « Sounds That Can't Be Made ». Et c'était la pièce « Gaza », une très longue pièce. Et juste avant, il y avait eu « Rush », tiré de « Clockwork Angels » et la pièce « Caravan ». Alors, on poursuit avec un groupe de Québec, « Instead of Ink », c'est le projet, en fait, d'un seul homme. Et c'est leur second album, « Open Air Museum ». Et on écoutera la pièce If We Deny It All. Alors, c'est tiré de leur second disque, de la rive sud de Québec. Ensuite, on aura notre dernier bloc musical avec Arachnamez de l'Italie. Et on aura aussi Wicked Minds pour terminer l'émission. Et avec Galahad aussi, qui s'en vient. Donc, restez avec nous sur les ondes de SKRL avec le groupe Instead of Ink. Le grand moment de l'athlète Dominique Maltais pour Opération Nérou. C'est une grande année pour moi. Je dois rester concentré. J'ai des objectifs et je veux les atteindre. Ça va être un gros travail d'équipe. On va avoir besoin de beaucoup de monde. Que ce soit pour être utilisateur ou accompagnateur, pensez Opération Nérou au 1-866 Desjardins pour un départ parfait. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. 89.1.

C'était le groupe italien Arek Names, tiré de leur premier album. Ils ont réalisé 3 albums jusqu'à maintenant. Alors, ça, c'est paru en 2003. Et c'est sur l'étiquette Black Widow, qui a plein de groupes comme ça, de renaissance italienne à saveur 70. Alors, c'était la pièce Boredom, tirée de l'album éponyme de Arek Names. On poursuit maintenant avec... le groupe anglais Galahad, et c'est un spectacle enregistré en Pologne en 2009, et ça, ça paraît sur la compilation Terra Incognita Archive Volume 2. Terra Incognita, plusieurs compilations, comme ça les groupes ont des pièces à faire partager, et ça se retrouve sur des belles compilations qu'on peut se procurer en contactant le magazine ou les gens autour de Terra Incognita. Et c'était une pièce donc intitulée Termination de ce groupe qu'on a pu voir en spectacle, et je pense qu'on va les revoir, c'est possible, bientôt. Alors on poursuit donc avec Galahad, et ensuite Weakened Minds. C'est un projet qui reprend des pièces du italien des années 70 intitulé Visioni Deliri et Illusioni. Et ce sera donc une pièce tirée d'un extrait du groupe PFM, La Carrozza di Hans et Impressioni di Settembre, de ce groupe italien, donc repris par Weakened Minds, sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita. end of all your broken promises. I'm getting tired of all your fickle excuses. I'm sick to the back teeth of all your borderline actors. You know I've heard them all a million times before. I don't think you realize, but tell me you have cause. Can't go on like this, can't take anymore. How long have we got to wait? How long before you come? The only way. Domination is the only answer. You don't seem to have any sense of urgency. I mean, meanwhile, our life is a fool on hold as we wait to break free. Taking all our money and your bleeding us dry. Still we have nothing to show for all our efforts. I've gotta see some action. Payback time is near. I gotta have some of your attention. About time we were out of here. How long have we got to wait? How long before you the only way? Domination is the only answer. Get it done, get it done, get it done. Thank you very much. Thank you. Aspettano, Tano, ora! Quelle belle pièce de ce groupe italien légendaire, Premiata Fornaria Marconi, connu sous le nom de PFM. Et c'était deux pièces tirées de Storia di un minuto, paru en 1972. Les pièces La Carrozza di Hans et Impressioni di Settembre, donc de ce groupe légendaire. C'était interprété par Wicked Minds. C'est tiré de leur album Visioni, Deliri e Illusioni. Et c'est paru récemment sur l'étiquette Black Widow, qui nous fait paraître plein de disques vraiment intéressants pour ceux qui s'intéressent au rock italien, évidemment. Il y a pas mal de bons trucs. Juste avant, il y avait eu donc Galahad et la pièce Termination. C'était une pièce tirée de la compilation Terra Incognita, Archive Volume 2. On va terminer l'émission avec Glasshammer. On en a fait jouer une pièce en début d'émission, tirée de leur plus récent album, Perilous. C'est vraiment un album super intéressant. Il y a plein de bons moments. C'est un album concept, même si ça parle de la mort. Mais c'est quand même vraiment intéressant. C'est pas down-up en tout. Alors, on écoutera la pièce de Wolf Gave Chase pour terminer cette édition. Et c'était Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet à l'animation avec vous depuis 22h. On vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, on se quitte avec Glasshammer. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Stout Impérial. La sangribière. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bière pression à fermentation haute. India Pale Ale. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. La rousse forte aux fruits. Le grand moment de l'athlète Dominique Maltais pour Opération Nérou. C'est une grande année pour moi. Je dois rester concentré. J'ai des objectifs et je veux les atteindre. Ça va être un gros travail d'équipe. On va avoir besoin de beaucoup de monde. Que ce soit pour être utilisateur ou accompagnateur, pensez Opération Nez Rouge au 1-866 Desjardins pour un départ parfait. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. AV Jam, ce qui signifie achat, vente, échange, jeux, audio et musique. Venez échanger tout ce qui concerne le divertissement de salon. Possibilité de mise de